que la postérité a retenu de Louis Pasteur, c'est bien entendu sa contribution au développement de la vaccination et ses travaux sur la débactérisation thermocontrôlée, rebaptisée pasteurisation. Or, les contributions de Pasteur à la science sont bien plus larges que cela. De ses travaux de chimie initiale sur la dissymétrie moléculaire à sa mise à bas de la théorie de la génération spontanée en passant par la formalisation des fondements théoriques et observationnels de la microbiologie et de l'immunologie, Louis Pasteur était un savant patriote autant qu'un entrepreneur engagé dans le rayonnement scientifique et économique de son pays. Louis Pasteur, la rage de découvrir, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette carrière scientifique aussi vaste que riche de Louis Pasteur dans le détail et dans sa complexité, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, à quelques jours de l'ouverture de l'exposition Pasteur l'expérimentateur, expo qui sera ouverte au Palais de la Découverte à partir de mardi prochain et jusqu'au mois d'août 2018. Nous avons donc le plaisir de recevoir Anne-Marie Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et philosophe. Bonjour Maxime Schwartz. Bonjour Nicolas. Vous êtes biologiste moléculaire et ancien directeur de l'Institut Pasteur que vous avez dirigé de 1988 pendant 12 ans, si mes informations sont correctes. Vous avez co-dirigé l'édition du catalogue de l'exposition Louis Pasteur, le visionnaire, auquel vous avez contribué, Anne-Marie Moulin. C'est aux éditions de La Martinière. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter. La méthode FC. Et pour commencer, et avant de se lancer dans la biographie de Louis Pasteur, quel est selon vous, intimement, le trait le plus saillant de Louis Pasteur, que ce soit sur un plan personnel, sur un plan scientifique, qui va marquer l'ensemble de sa carrière scientifique ou personnelle, Anne-Marie Moulin? C'est son amour du travail. Apparemment, quand il rencontrait des étudiants dans l'escalier, en tout cas c'est ce que beaucoup d'entre eux ont raconté, il disait... Comme un leitmotiv, il faut travailler. Et il a travaillé jusqu'au bout. Maxime Schwartz? Je dirais que ça correspond au titre de l'ouvrage que vous avez cité. Il était un visionnaire en ce sens que tous les domaines sur lesquels il a travaillé ont encore aujourd'hui des conséquences, que ce soit dans le domaine de la science ou dans le domaine de notre vie tous les jours. Et ça, il l'avait pressenti. Le titre que vous citez, c'est celui du catalogue Louis Pasteur le visionnaire, mais le titre de l'exposition au Palais de la Découverte est aussi révélateur de ce que vous dites un peu l'un et l'autre, l'expérimentateur. Quand on parcourt la carrière de Pasteur, on voit à quel point il remet sans cesse le travail sur l'ouvrage, à quel point il va travailler, il va mener les expériences sur le terrain, il cherche en permanence à travailler au plus près vraiment cette matière expérimentale, Anne-Marie Moulin. Oui, y compris, on pense souvent quand on dit travailler au laboratoire, c'est ce que vous évoquez, mais il a même été capable d'aller sur le terrain en un autre sens, par exemple pour les maladies de la soie. Il s'est déplacé dans le midi de la France. Il est allé voir sur place un domaine qu'il ne connaissait pas du tout et qu'il a découvert, celui des maladies de la soie. Maxime Schwartz, sur ce cet aspect expérimentateur. Il ne pouvait pas se satisfaire simplement de théorie. Il fallait qu'il puisse vraiment démontrer les faits avec des expériences très bien conduites. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est celui de la réfutation de la génération spontanée, où finalement, les théories de la génération spontanée étaient basées sur des mauvaises expériences. Et lui, il a fait des expériences très bien contrôlées qui ont permis de réfuter cette hypothèse. Et on ira voir précisément par quels moyens et comment il a conduit ces expériences un peu plus tard dans le reportage du jour. Alors, nous allons parcourir cette vaste carrière. Vous allez voir qu'une heure n'est pas de trop pour évoquer tous les travaux et l'ensemble des contributions de Pasteur à différents domaines et registres scientifiques. Pour commencer, une anecdote intéressante. Louis Pasteur, donc on peut rappeler qu'il est né en 1822 à Dole dans le Jura, est tenté dans sa prime jeunesse par une carrière artistique, Maxime Schwartz. Oui, à l'âge de 13 ans, Pasteur a fait un pastel représentant sa mère. Et ensuite, il va faire des pastels d'un bon nombre de personnalités de son environnement. Et son dernier pastel, à l'âge de 20 ans, sera celui de son père. C'était des pastels de très bonne qualité. En fait, son père n'a pas voulu qu'il continue dans ce domaine-là et l'a poussé à faire des études. Un point très intéressant, sur lequel on reviendra peut-être, c'est qu'il n'a pas fait seulement des pastels, il a aussi fait des lithographies. Mmh. Et son travail sur les lithographies est peut-être ce qui lui a permis de faire sa première grande découverte en matière de dissymétrie moléculaire. On va effectivement y revenir, mais par ailleurs, il passe un bac de lettres en 1840 avant de s'engager dans une carrière scientifique. Oui, il passe à la fois un bac de lettres puis un bac scientifique, mais ça, c'était relativement courant à l'époque. Et donc, sa carrière scientifique, il part poursuivre ses études à Paris, hein, à Saint-Louis, puis à la Sorbonne. Il passe deux fois le concours de l'école normale pour arriver avec un meilleur résultat. Et c'est là qu'il commence la physique d'abord. Et c'est précisément, justement, pour suivre cette histoire, Maxime Schwartz, grâce à ses travaux sur la lithographie, qu'il commence à s'intéresser à un phénomène en particulier qui va l'amener à réfléchir à des problèmes liés à la cristallisation. Oui, en fait, Pasteur était un chimiste et physicien. Il a été très intéressé, pendant qu'il était élève à l'école normale, par l'étude des cristaux, grâce à l'influence d'un certain nombre de professeurs. Et c'est après qu'il ait terminé ses études, enfin son travail d'élève, qu'il a continué, pour rester encore 2 ans à travailler sur place à l'école normale. Et c'est là qu'il a fait une découverte qui est peut-être la plus méconnue et peut-être aussi la plus importante d'une certaine façon. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié une molécule qui s'appelle le tartrate. Tartrate, c'est dans le tartre qui se dépose dans le fond des cuves quand le jus de raisin se transforme en vin. Eh bien, ce qu'il a montré essentiellement, c'est qu'il existait deux formes de tartrate. Ces deux formes de tartrate, il les a distinguées par la forme des cristaux. Les cristaux ont l'air identiques, mais en fait, ils sont comme l'image l'un de l'autre dans le miroir. Et lorsqu'on faisait des solutions de ces deux types de cristaux, eh bien, ils avaient des effets opposés sur la lumière polarisée. La lumière polarisée, c'est une lumière qui se déplace dans un seul plan, si vous voulez. Eh bien, il y avait un tartrate qui faisait tourner le plan du côté droit et l'autre qui faisait tourner le plan du côté gauche. Et alors, il a eu une intuition géniale, c'était que si ces deux molécules avaient à la fois des cristaux, disons, symétriques et faisaient des effets symétriques sur la lumière, c'est que les molécules elles-mêmes étaient comme l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et ça, c'est un aspect très important parce que c'était la première fois qu'on prenait en considération la position des atomes dans une molécule et donc à considérer des molécules comme ces objets tridimensionnels. Et ça, eh bien, c'est la base de toute la biologie moderne où on explique l'ensemble des interactions, l'ensemble des phénomènes biologiques par des interactions entre molécules et ces interactions sont dictées par leur forme, c'est toujours l'éternelle image de la clé dans la serrure. C'est effectivement la première mention de la chiralité, ce qu'on appelle la chiralité des molécules. Ce qui est intéressant et ce qui est effectivement passionnant là-dedans, dans cette découverte Maxime Schwartz, c'est qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux d'intuition. Il y a déjà le niveau d'intuition, on est au tout début du 19e siècle, hein, enfin dans la première moitié du 19e siècle, que la forme macroscopique des cristaux reflète la forme moléculaire. Or, début du 19e siècle, on peut peut-être remettre un petit peu de contexte. La notion de molécule, de constituant moléculaire de la matière est encore très très balbutiante. On est vraiment au tout début de ces théories-là. Oui, on savait qu'il y avait des molécules différentes, avec chacune caractérisée par des atomes particuliers. On avait une idée des liaisons qui les reliaient, mais on ne considérait pas les molécules comme des objets à 3 dimensions. Et les réactions entre différentes molécules, c'était expliqué comme un peu de espèces de pâte à modeler qui se combinent. On a une verte et une jaune et une bleue, ça va donner un autre composé vert, si vous voulez. Mais on n'avait pas du tout la notion de ce qu'étaient vraiment les molécules et les interactions entre elles. Oui, on ne concevait pas la matière encore comme discontinue, on la concevait comme des espèces de pâtes, comme vous venez de l'expliquer. Vous ne nous avez pas redit le lien avec la lithographie, parce qu'il est intéressant. Oui, c'est en fait, il avait déjà été constaté qu'il existait un tartrate qu'on appelait un paratartrate, qui était très bizarre, qui n'avait aucun effet sur la lumière polarisée. Et alors, il a regardé ces cristaux de paratartrate et il a constaté qu'il y avait en fait deux sortes de cristaux, qui étaient ces cristaux, qui étaient comme l'image l'un de l'autre. Or, c'est exactement ce qui se passe quand on fait de la lithographie, où on fait une image sur une pierre, et ensuite, quand on a mis de l'encre et qu'on l'imprime sur un papier, eh bien, l'image finale est effectivement comme l'image dans un miroir de ce qu'on avait fait initialement. Et donc, c'est comme ça, semble-t-il, que Pasteur ait eu cette notion de chiralité, le mot chiralité n'est venu que beaucoup plus tard, qui lui a permis de se rendre compte qu'il y avait en fait deux espèces de cristaux, alors que les autres pensaient qu'il n'y en avait qu'une. Ils n'avaient pas vu la différence entre ces deux espèces de cristaux. Ça, c'est le tout début donc de la carrière de Pasteur, hein, qui fait une thèse en 1847 sur l'étude des phénomènes relatifs à la polarisation rotatoire des liquides. Et ce sont ses premiers travaux en chimie pure qui vont progressivement le conduire sur la piste de la fermentation, Maxime Schwartz. Il y a un lien de causalité entre ces notions de polarisation et la dissymétrie moléculaire qui va l'amener à la fermentation. Il y a un lien. Il y a à la fois un lien, mais en même temps un événement. Le lien, c'est qu'il avait constaté que tous les composés qui avaient un effet sur la lumière polarisée, donc ils étaient tournés le plan à gauche ou à droite, provenaient toujours d'organismes vivants. Donc il a eu la notion que ces produits-là étaient toujours produits par des organismes vivants. Ça, c'était sa réflexion. Mais l'événement, c'est qu'il a été nommé à Lille en 1854 et que là, un de ses élèves lui a dit que son père avait des problèmes. Son père fabriquait de l'alcool à partir de sucre de betterave et il y avait des problèmes avec la fermentation du sucre de betterave. Et donc, ça, c'est cette demande, disons, d'un industriel de l'aider associé à ses réflexions sur la dissymétrie moléculaire qui l'ont fait se lancer dans les travaux sur les fermentations. Ça dit quelque chose, hein, cet intérêt aux travaux précisément extrêmement concrets, c'est-à-dire immédiatement à aller, on l'a dit tout à l'heure, sur le terrain, à se rendre dans cette distillerie, à les constater lui-même, c'est-à-dire à chercher des solutions concrètes, observationnelles, à des problèmes très concrets. Ça dit quelque chose de l'esprit, de la complexion intellectuelle de Louis Pasteur. Oui, au départ, il y avait eu un décret impérial qui demandait à ce que les professeurs, les scientifiques s'intéressent aussi à l'industrie, disons. Mais ça a été ensuite une chose permanente dans toute la carrière de Pasteur, de faire sans arrêt un aller-retour entre les recherches les plus fondamentales et les applications à l'industrie. Anne-Marie Moulin, sur cet aspect de la personnalité de Louis Pasteur et sur son travail vraiment sur le terrain dont on vient de parler. Je pense que ça rend hommage à son esprit civique. En fait, le goût d'application et le désir d'aider l'industrie, qui est quelque chose qui est tout à fait d'actualité avec l'encouragement donné aujourd'hui au partenariat public-privé, il l'avait mis en acte, en particulier parce que comme citoyen, il était persuadé qu'il fallait jouer un rôle la prospérité de son pays. Et de façon un petit peu militante, par exemple, après la défaite, il sera très préoccupé de participer à la fabrication de la bière qui est en difficulté depuis la perte de la province d'Alsace. On va poursuivre sur cette voie-là, le lien donc avec les travaux sur la fermentation. Vous l'avez dit, Maxime Schwartz, c'est le père de l'un de ses étudiants, donc qui l'amène sur ces problèmes d'alcool de betterave. Certains fûts tournent, deviennent acides, il y a une mauvaise odeur. Il faut préciser que le postulat scientifique, et on va en parler assez longuement, en ce milieu du 19e siècle, c'est la théorie de la génération spontanée. Qu'est-ce que c'est que la théorie de la génération spontanée, Maxime Schwartz ? Oui, je crois qu'avant d'en arriver là, il faut voir que le début de ses travaux sur les fermentations, au moment où il s'est attaqué, on ne savait pas ce qui causait les fermentations. Elles étaient connues depuis très longtemps pour fabriquer de l'alcool, pour beaucoup de choses, le pain, etc. Mais beaucoup de gens, par exemple le chimiste allemand Liebig, pensaient qu'on savait qu'il y avait des levures, des micro-organismes qui se promenaient là, mais on pensait que c'était la pourriture de ces micro-organismes qui provoquaient les fermentations. Et pour Pasteur, du fait qu'il y avait formation de produits optiquement actifs, il était évident qu'il y avait de la vie là-derrière, et c'est pour ça qu'il a été amené à conclure que les fermentations étaient dues à la vie des micro-organismes. En d'autres termes, si on fabrique de l'alcool à partir de sucre, c'est parce qu'on a un micro-organisme, une levure, qui mange le sucre et qui recrache de l'alcool. Alors ensuite, s'est posé la question de savoir d'où venaient ces fameux micro-organismes qui faisaient les fermentations, parce que par exemple, la fermentation de l'alcool, du jus de raisin, se fait spontanément. Donc beaucoup de gens pensaient qu'il y avait apparition spontanée des micro-organismes dans les milieux fermentés cibles. Et c'est ça le problème auquel va s'attaquer Pasteur et où va démontrer qu'en fait, il n'y a pas génération spontanée, que les microbes viennent toujours de l'extérieur. Là aussi, on a souvent parlé ou réfléchi autour de cette table à la notion de rupture en science ou de rupture de discontinuité dans la pensée et d'émergence de pensée disruptive, de pensée scientifique ou de découverte disruptive. Il y a plusieurs autres, vous venez de le dire, Maxime Schwartz, scientifiques qui ont postulé que la fermentation pouvait être le produit de cellules vivantes et pas intrinsèque, pas une propriété intrinsèque à la matière. Je pense à Adamo Fabroni, par exemple, ou à Theodor Schwann, un scientifique allemand qui postulait déjà qu'il était possible que la fermentation pouvait être le produit d'autres cellules et pas juste une propriété de la matière. Oui, c'est exact. Il y avait eu des précurseurs. Cela dit, il y avait aussi beaucoup de gens qui pensaient le contraire. Et pour arriver à réfuter cette idée de fermentation spontanée, de génération spontanée, Pasteur a eu beaucoup de mal. Il y a un ennemi, si on peut l'appeler ainsi, c'est Félix Pouchet, qui lui est directeur du Muséum naturel d'histoire naturelle de Rouen, qui lui est un fervent défenseur de la théorie de la génération spontanée, et il va s'engager une sorte de lutte entre les deux, puisqu'il rend la même année, en 1858, une note à l'Académie des sciences, l'un en faveur de la génération spontanée, et l'autre en faveur de la fermentation lactique, c'est Louis Pasteur. Oui, Maxime Schwartz, si vous voulez, ou Anne-Marie Moulin, comme vous voulez, Anne-Marie Moulin. Le duel entre Pouchet et Pasteur illustre quelque chose qui est un peu une constante de la vie de Pasteur. Il a des adversaires. Il est lui-même vigoureux. Et jusqu'à la fin, il apostrophe ses adversaires dans des termes que nous n'avons plus l'habitude d'entendre aussi souvent que ça dans les controverses scientifiques. Par exemple? Un de ses adversaires le provoquera en duel. Ce que finalement n'aura pas lieu. Mais c'est pour dire à quel point les querelles peuvent prendre un tour passionné, et ça c'est vrai pour la génération spontanée, ça sera vrai aussi quand il abordera la question des maladies infectieuses. Maxime Schwartz. Oui, il y a un aspect assez amusant dans la dispute entre Pasteur et Pouchet, que de façon au fond assez fondamentale, pour montrer qu'il n'y a pas de génération spontanée, on commence par stériliser un milieu et on montre ensuite qu'il n'y a jamais de vie qui apparaît dedans. Bon, alors il y a des tas de problèmes qui se posent, on y reviendra tout à l'heure. Et en fait, Pouchet, lui, il stérilisait ses milieux et puis il y avait quand même la vie qui apparaissait. Et Pasteur disait, mais c'est parce qu'il ne s'est pas travaillé. Bon, en fait, Pouchet ne travaillait pas si mal que ça. Mais il se trouve que, contrairement à Pasteur, il travaillait avec des infusions de foin. Et dans les infusions de foin, il y a des bactéries particulières, qui s'appellent Bacillus subtilis, qui font des formes extrêmement résistantes, qui s'appellent des spores. Et lorsqu'on se contente de faire bouillir le milieu, eh bien, on ne détruit pas ces spores. Donc il pensait qu'il avait stérilisé son milieu, et puis en fait, il n'avait pas stérilisé, les spores germaient et redonnaient des bactéries. Donc Pouchet, dans ses expériences, n'avait pas tout à fait tort, mais en définitive, c'est quand même Pasteur qui avait raison, il n'y a pas de génération spontanée. Eh bien justement, on va aller comprendre, pour comprendre cette expérience de Pasteur, on va aller voir comment il l'a réalisée. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes précisément rendu au musée Pasteur pour comprendre comment Louis Pasteur a réfuté cette théorie de la génération spontanée. Oui, en particulier, comme vous l'avez dit, il va essayer de donner tort à Félix Archimède Pouchet, donc très reconnu à l'époque et partisan de la génération spontanée. Pasteur, en fait, reprend des expériences existantes pour montrer que l'apparition de microbes dans un bouillon chauffé n'est pas spontanée, mais provient bien de l'air lui-même qui est chargé de microbes. Donc Maxime Schwartz, vous m'avez accueilli au musée Pasteur pour me décrire son expérience, l'expérience du ballon à col de cygne. L'expérience dite du ballon à col de cygne a été l'expérience la plus probante pour réfuter ce qu'on a appelé la théorie de la génération spontanée. Beaucoup de gens pensaient, disons la majorité pensait, que des micro-organismes apparaissaient spontanément dans les bouillons, dans les milieux qui permettent la croissance de micro-organismes. Alors, il y avait certains résultats qui laissaient penser qu'il n'y avait pas de génération spontanée. Par exemple, si on prenait un ballon qu'on le faisait bouillir pour détruire tout ce qu'il pouvait y avoir comme microbes dedans et qu'on le fermait hermétiquement, eh bien, jamais rien ne se développait dedans. Donc on pouvait dire, eh bien, il n'y a pas de génération spontanée. Seulement les tenants de la génération spontanée disaient « Ah mais oui, mais en faisant bouillir, on a détruit ce qu'ils appelaient un principe vital qui permettait donc la croissance des micro-organismes, un principe vital qui pouvait être soit dans le milieu lui-même, soit dans l'air situé au-dessus du milieu. » Donc Pasteur a fait cette fameuse expérience du ballon à col de cygne qui montre que cette argumentation ne tient absolument pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ballon à col de cygne? C'est un ballon. Mais en haut, le col du ballon est étiré un peu comme un S horizontal. Alors, ce ballon, qui contenait donc un bouillon permettant la croissance de microbes, il a commencé par le faire bouillir, pour donc le stériliser, et puis il l'a laissé en place sans le toucher. Et il s'est avéré que des heures, des jours, des mois plus tard, rien ne s'était développé dans le milieu qui restait totalement limpide. Alors déjà, ça excluait la question du principe vital dans l'air parce que le col de cygne était ouvert. On n'est plus dans des conditions totalement hermétiques comme dans les expériences précédentes. Exactement. L'air du ballon est en contact avec l'air extérieur. Alors on pouvait dire, mais donc c'est le milieu où le principe vital a été détruit. Alors ce que fait Pasteur à ce moment-là, c'est qu'il incline le ballon de façon à ce qu'un petit peu du milieu arrive jusqu'à la partie basse du col de cygne. Et ensuite, il remet le ballon vertical et le lendemain, eh bien, le milieu est complètement contaminé. Il y a plein de microbes qui ont poussé dedans. Alors, le fait que des microbes aient poussé, ça prouve bien qu'il n'y a pas un mystérieux principe vital qui avait disparu puisque la culture a eu lieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'abord, il y a eu ébullition, donc de l'air et de la vapeur d'eau se sont échappés. Il y a sans doute un petit peu d'eau qui s'est déposée dans la partie basse du col de cygne. Et puis ensuite, eh bien, très lentement, il y a eu refroidissement du milieu et donc de l'air est à nouveau pénétré à travers le bout du col de cygne. Mais toutes les poussières qui pouvaient avoir dans l'air, susceptibles de véhiculer des microbes, sont restées dans la partie basse du col de cygne, ne sont jamais arrivées jusque au contenu du ballon. Et c'est donc pour cette raison qu'il n'y a jamais eu croissance, parce que les microbes qui étaient situés sur les poussières sont restés dans la partie basse du col de cygne. Donc cette expérience, d'une part, montrait que s'il n'y avait pas de croissance, c'était pas parce que l'air avait perdu un principe vital, puisque l'air était en équilibre avec l'air extérieur. C'est pas parce que le milieu avait perdu un principe vital, parce que dès qu'on l'inclinait, qu'on le remettait droit, il permettait la croissance. Et en plus, ça démontrait qu'il y avait dans l'air des microbes véhiculés par les poussières. Et à la suite de cela, Pasteur s'est interrogé sur la présence des microbes dans différents endroits. En fait, il a répliqué l'expérience dans des conditions différentes à basse et haute altitude. Oui, il a refait l'expérience. Il n'y avait pas besoin à ce moment-là d'avoir un col de cygne. Il suffisait d'avoir des ballons avec un col droit. Il commençait par les stériliser, il les fermait hermétiquement. Et ensuite, il partait avec une batterie, disons, de 10 ballons comme ça, en différents endroits. Dans ces endroits-là, il ouvrait très brièvement le haut du col, donc l'air était un peu aspiré à l'intérieur, puisque du fait qu'on avait chauffé, il y avait une dépression à l'intérieur, donc un petit peu d'air arrivait, s'il y avait des poussières avec des microbes, l'air tombait dans le milieu, et donc le lendemain, le milieu était contaminé, était devenu complètement trouble. Alors s'il emportait 10 ballons comme ceci à Paris, dans la cave de l'école normale où il travaillait, eh bien les 10 ballons étaient contaminés, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de microbes dans l'air. Mais s'il faisait la même expérience en haut de la mer de glace, donc en haut d'une montagne, eh bien, il n'y avait que 1 ou 0 ballon sur 10 qui étaient contaminés, donc il y avait beaucoup moins de microbes dans l'air. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que Pouchet, en fait, n'avait pas complètement tort, parce qu'il trouve qu'il utilisait, lui, comme milieu, une décoction de foin. Et dans les décoctions de foin, il y avait une bactérie qui s'appelle Bacillus subtilis. Très résistante. Qui forme des spores, les spores qui sont très résistantes. Ce qui fait que, quelques temps plus tard, eh bien, les bactéries se développaient. Si on imaginait que Pasteur ait eu l'idée d'utiliser des infusions de foin, est-ce qu'il aurait trouvé les mêmes résultats? Si Pasteur avait utilisait des infusions de soins en faisant l'expérience exactement comme il les avait faites, il aurait été extrêmement troublé, parce qu'il aurait dit « il y a de la génération spontanée », parce que c'était un moment où on n'avait pas encore compris que les bactéries pouvaient donner des spores. Mais il a quand même montré qu'il y avait des microbes partout autour de nous, qu'on vivait dans un monde de microbes dont on ignorait complètement l'existence. Voilà, vous avez tout compris maintenant à cette expérience dite du ballon à col de cygne. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Anne-Marie Moulin notamment, puisque Maxime Chouard, je ne vais pas vous demander de réagir à vos propres propos, Anne-Marie Moulin. Non, on imagine sans peine l'écho qu'a dû avoir cette controverse et la façon dont finalement Pasteur a terrassé son adversaire. Mais il s'agissait de la fermentation, c'était déjà un grand pas en avant vers l'idée que il faut des organismes vivants à la base de tous les grands phénomènes comme la fermentation. Mais on voit déjà s'esquisser quelque chose qui va avoir une portée évidemment beaucoup plus grande dans le grand public et pour les générations à venir, c'est l'idée que ce sont des êtres vivants qui sont à l'origine de toutes les maladies. On entend à la fin de ce reportage ce que vous disiez, Maxime Schwartz, qu'effectivement, on pose à travers ces travaux sur la fermentation et le compte-rendu qui sera publié en 1858 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences par Pasteur, ce mémoire sur la fermentation appelée lactique, que ce que vient de faire Louis Pasteur, ce que l'on peut juger rétrospectivement, c'est de poser l'acte fondateur de la microbiologie. C'est tout à fait ça, parce que la fermentation, l'idée que les maladies sont liées à des fermentations, que par exemple dans une maladie cutanée comme la variole, où il y a des grosses pustules avec du pus sur tout le corps, il y a déjà quelque chose qui est fermenté, voire pourri. Donc c'est pas une idée neuve. Mais par contre, l'idée que cette fermentation, cette putréfaction éventuellement, est due à un être vivant qui est le microbe visible sous le microscope, et par conséquent, éventuellement manipulable, c'est quelque chose qui ouvre bien sûr la microbiologie contemporaine. Et puis l'autre conséquence immédiate, c'est la débactérisation thermocontrôlée qu'on appelle aujourd'hui plus simplement, Maxime Schwartz, la pasteurisation, c'est-à-dire qu'en portant à ébullition un liquide, précisément, on tue ces micro-organismes, on le stérilise et on va voir qu'effectivement, d'un seul coup, ça va ouvrir un champ incroyable à la médecine, à la biologie, à la chirurgie. Oui, bon, d'une part, Pasteur a montré que chaque fermentation était causée par un microbe particulier, ce qui est très important, et c'est un concept qui reviendra au niveau de l'étude des maladies ultérieurement. Mais d'autre part, il a constaté que quand quelque chose ne passait pas bien dans une fermentation, eh bien c'était dû à un mauvais microbe. C'était déjà ce qui s'était produit lors des fermentations de jus de betterave quand il était à Lille. Et ensuite, quand il a travaillé sur le vin, il a compris que quand le vin devenait mauvais, qu'il devenait acide par exemple, c'était dû à un mauvais microbe. Et là, il n'a pas mis au point une ébullition dans ce cas-là, c'est parce que ça aurait vraiment détruit beaucoup d'aspects du vin, mais un chauffage modéré du vin pendant un assez court temps, il a vu que ça suffisait pour détruire les mauvais microbes. Et bon, aujourd'hui, on n'utilise plus tellement ce procédé pour le vin, mais c'est utilisé pour de nombreux autres composés, du lait, etc. Et ce qui est amusant, c'est que c'est pas Pasteur qui a appelé ça la pasteurisation. En fait, ce sont les Allemands qui, les premiers, ont employé le mot de pasteurisation en allemand, puis les Hongrois, et c'est revenu ensuite en France. Scientifique Nicolas Martin. You look so fine and healthy. You look so very sweet. Man, she looks so kind and gentle. She knocked me off my feet. The first time I saw her walking, baby, my heart skipped a beat. I said, ooh, wee, you little fine and healthy thing. Baby, I could love you all the time. You little fine and healthy thing. Baby, I I could love you all the time. Well, you must see an angel, 'cause women don't look that fine. When she smiled, she sent me. She was cool as she could be. One kiss from her could end me, and that I'd like to see. When she walked, she didn't clown, but she could make a bulldog hug a hound. I said, ooh, wee, you little fine and healthy thing. Baby, I could love you all the time. You little fine healthy thing. Baby, I could love you all the time. Well, you must be an angel, 'cause women don't look that fine. Little fine and healthy Thing de Billy the Kid Emerson à 16h31 sur France Culture, puisque nous parlons de petites choses saines aussi, puisqu'elles ont été pasteurisées, en tout cas elles ont été décontaminées. Nous parlons en tout cas de l'histoire de Louis Pasteur tout au long de cette heure, en amont de l'exposition Louis Pasteur l'expérimentateur, hein, exposition qui ouvre au Palais de la Découverte mardi prochain, et du catalogue de l'exposition Louis Pasteur le visionnaire, sous la direction d'Annick Perrault et de Maxime Schwartz, qui est l'un de nos invités, ancien directeur de l'Institut Pasteur, et nous sommes également en compagnie d'Anne-Marie Moulin, qui est médecin et philosophe et qui a collaboré à cet excellent catalogue publié aux éditions de La Martinière. On vient de terminer la partie fermentation, donc découverte de ces organismes vivants qui sont à l'origine de la fermentation, début, première base de la microbiologie. On va voir, Anne-Marie Moulin, que Pasteur va vite appliquer ses conclusions, hein, liées à la fermentation, à la recherche, à la médecine, grâce notamment à des travaux que vous évoquiez au tout début de cette émission sur une maladie des vers à soie. Oui, la maladie des vers à soie n'illustre pas vraiment puisque c'est bien antérieur au passage de Pasteur aux maladies. Mais tout à l'heure, il a été dit que la pasteurisation, le mot n'était pas de Pasteur. En fait, Pasteur a eu beaucoup de chance parce qu'il a toujours trouvé autour de lui des gens qui ont trouvé les bons mots pour faire passer un large message au grand public. Pasteurisation est effectivement un mot qui a été enregistré et qui continue à être utilisé aujourd'hui. Il y a un autre mot qui est utilisé à propos de l'œuvre de Pasteur, c'est celui de révolution. Dieu sait pourtant si Pasteur n'était pas vraiment un révolutionnaire en politique, mais il était un révolutionnaire en science, et c'était là une utilisation récente du mot révolution pour désigner un grand mouvement de science qui fait rupture avec le passé. Et quand il s'est tourné vers la médecine, il a vraiment effectivement fait œuvre de révolution, et il en avait conscience, puisque dans par exemple la célèbre adresse au chirurgien indirect, si j'avais l'honneur d'être chirurgien, je ne procéderais, je cite de mémoire, à une opération qu'après avoir flambé mes mains, ou presque, avant de les porter sur le corps du patient. Mais sur cet apport tout de même, peut-être dire un mot sur ces recherches sur les maladies du vers à soie, sur la pébrine. Il met en place là aussi des protocoles expérimentaux qui, liés à ses travaux sur la fermentation, vont l'amener tout de même à chercher à dévitaliser une maladie, en tout cas à annuler les effets du maladie. Ou est-ce que c'est un peu exagéré de considérer ça comme ça? Ça ne s'inscrivait pas tout à fait dans la logique de la rupture avec la génération spontanée. Dans la pébrine, dans le problème de la prévention des maladies vers à soie, en fait, Pasteur propose un procédé aux éleveurs du vers à soie pour trier les vers qui sont contaminés. Ce procédé a été un peu controversé et finalement, il a amélioré probablement un certain nombre de résultats. Mais là, quand on dit que Pasteur a sauvé l'industrie de la soie, c'est un tout petit peu excessif. Parce que, en fait, l'industrie de la soie française a succombé à bien d'autres problèmes que ceux des vers à soie, en particulier à la concurrence fatale, d'abord de l'Empire ottoman et ensuite du Japon. Ça fait partie, Maxime Schwartz, de la légende pasteurienne. Oui, malgré tout, c'est pas de lui-même qu'il est allé étudier les maladies des vers à soie. On lui a demandé parce qu'il y avait un gros problème, effectivement, de mort des vers à soie. Et au début, il savait pas trop à quoi. Il a vu qu'il y avait des maladies des vers à soie. Il a pas tout de suite compris que c'était des maladies contagieuses. En fait, d'autres l'avaient déjà suggéré avant. Il a mis beaucoup de temps à se dire ça doit être des microbes. Et surtout, il s'est rendu compte que la maladie, comme la pébrine, se transmettait de la femelle. Aux œufs. Et donc, on pouvait reconnaître la présence de la maladie parce qu'il y avait des petits points noirs sur le corps de la femelle. Donc, on faisait pondre chaque femelle séparément dans un petit casier. On regardait ensuite si la femelle avait des points noirs. S'il y avait des points noirs, on éliminait tous les œufs qui provenaient d'une femelle contaminée. Donc, ça a été le procédé qu'il a proposé. Il y avait une autre maladie aussi où il a proposé des choses. Ce qui est quand même important, là, je suis pas tout à fait d'accord avec Anne-Marie, c'est que ça a quand même été son premier contact avec des maladies contagieuses. Il s'est rendu compte que c'était une maladie contagieuse et il a commencé à y réfléchir. Il a vu qu'il y avait des méthodes de mise en place d'hygiène qui pouvaient éviter la contamination, etc. Donc il n'avait pas encore commencé. C'est l'expérience qu'il a fait entre 1865 et 1870, les vers à soie, et s'est vraiment mis à une maladie du mouton, le charbon, en 77, disons. Mm-hmm. Donc il y a eu effectivement un grand espace entre les deux où il continuait à ce moment-là à travailler sur les fermentations et sur la bière, notamment, qui a été mentionnée. Sur cette notion de révolution, on voit aussi néanmoins que Pasteur s'inscrit vraiment dans une continuité. Par exemple, évidemment, on va parler de la vaccination dans un instant, mais notamment sur l'application de ses recherches en chirurgie. C'est un chirurgien de Glasgow qui, le premier, après avoir lu le mémoire sur la fermentation appelée lactique, émet l'hypothèse que c'est un phénomène similaire qui est à l'origine des infections post-opératoires et qui propose stériliser les outils chirurgicaux, de laver les mains, donc de détruire le plus possible de bactéries et de micro-organismes avant les procédures chirurgicales. Anne-Marie Moulin. Il y a eu quand même tout un mouvement, y compris en France, pour hygiénique, pour aider la chirurgie à être moins catastrophique à cause des infections survenues en post-opératoire. Il y a tout un mouvement et Lister, bien sûr, en fait partie. D'ailleurs, il viendra embrasser Pasteur au moment de son jubilé. Maxime Schwartz, sur le fait que ce soit Joseph Lister ou en tout cas que ce soit des chirurgiens qui aient mis à l'épreuve justement les théories de Pasteur sur les micro-organismes. Oui, c'est sûr que Lister est devenu un grand ami de Pasteur. Il a été enthousiasmé par les travaux de Pasteur sur la fermentation et il a vu qu'il y avait, il n'était peut-être pas le seul, mais il a constaté qu'il y avait sans doute une corrélation entre les phénomènes de fermentation, de pourriture et ce qu'il pouvait voir comme complications après les interventions chirurgicales. Et donc c'est quand même lui là qui a inventé ce qu'on appelle l'antisepsie, qui consistait à essayer de stériliser tout l'environnement du champ opératoire, disons, avec des antiseptiques. Et donc ça a été une première étape. Et puis Pasteur a continué à progresser dans ce domaine-là, en introduisant ce qu'on appelle l'asepsie, qui consiste pas à diffuser des antiseptiques partout, mais à s'assurer que tout ce qui approche la plaie soit dénué de microbes. Donc ça a été très important. Et finalement, ce qui a été la chirurgie, parce qu'il y avait cette idée de pourriture qui pouvait être une complication de la chirurgie, a été importante pour ensuite se dire, au fond, les autres maladies infectieuses qui sont pas dues à des interventions chirurgicales pourraient aussi être dues à des microbes. C'est évidemment l'autre application en matière de vaccination. Les vaccins existent déjà, contrairement à une idée reçue. Ça n'est pas Pasteur qui invente la vaccination, il y a la vaccine pour la variole, mais c'est Pasteur, Anne-Marie Moulin, qui va commencer à en élargir l'usage, comme le disait Maxime Schwartz, en se disant à chaque maladie correspond un germe, correspond un microbe que l'on va pouvoir identifier et que l'on va pouvoir neutraliser. C'est la notion de neutralisation qui est importante dans les travaux de Pasteur. Oui, en fait, Pasteur avait lui aussi un certain génie de la communication, parce que c'est lui qui a inventé le terme de vaccin au sens très général dans lequel il est employé aujourd'hui, à savoir un virus au sens très large, de poison, un microbe, un virus modifié, atténué, qui va protéger spécifiquement contre une maladie. C'est là donné évidemment au mot de vaccin une acceptation très générale qui n'était pas celle du mot vaccine. Qui vient de la vache. Qui veut dire vaccine, qui vient de la maladie de la vache, vacca en latin, et qui ne protège que contre la variole. Mais c'était à la fois un coup de chapeau à son prédécesseur anglais, mais aussi un coup de génie puisqu'il ouvrait la porte à tous les vaccins de l'avenir. Comment Pasteur, on élargit hein, donc l'usage en 80. On peut peut-être préciser que dès 1868, il est victime de sa première attaque cérébrale qui va commencer à l'handicaper, qui va le laisser pendant un temps hémiplégique et dont il va garder des séquelles pendant assez longtemps. Maxime Schwartz. Oui, je vais venir là-dessus, mais simplement, on dit souvent que Jenner a inventé la vaccination et que Pasteur a inventé les vaccins. Parce que Jenner, il a eu la chance de trouver chez l'animal une maladie proche de la variole, et c'est en injectant cette maladie bénigne de l'animal qu'on protège contre la variole. Et ce que Pasteur a montré, c'est qu'on pouvait, à partir des microbes donnant différentes maladies, avoir des formes atténuées de ce microbe, et ensuite on verra que ça peut être aussi autre chose que le microbe atténué, mais il a montré qu'on pouvait, à partir du microbe lui-même, fabriquer quelque chose qui allait ensuite protéger. Alors pour ce qui est de l'hémiplégie, oui, c'était pendant la période où il travaillait sur les vers à soie, donc la période 65-70 a été tragique pour lui, parce que d'abord il a perdu finalement deux filles, il en avait déjà perdu une avant, il avait cinq enfants, eh bien trois de ses enfants sont morts, deux de typhoïde et une d'un cancer, trois filles, donc ça a déjà été très dur, et peu après, il a lui, une, ce qu'on appelle un AVC aujourd'hui, une attaque, et il est resté en grande partie paralysé sur le côté gauche pendant le restant de sa vie. Pour revenir sur la vaccination, effectivement, il s'intéresse de près, et on voit hein, dans ses carnets de laboratoire, dans différents écrits, à cette question d'atténuation de la virulence, et il cherche plusieurs méthodes, il croit à l'existence d'une matière vaccinale. Comment est-ce qu'il appréhende justement, parce que, oui, Maxime Schwartz, vous faites un geste là, sur la matière vaccinale. Non, mais je crois qu'il y a eu une première étape qui était l'idée que, comme dans le cas de la... Il pensait que la vaccine, c'était une forme atténuée du microbe de la variole, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais presque. Et donc, il s'est dit, on va chercher des formes atténuées d'autres microbes. Et donc, ses premiers travaux, peut-être que Anne-Marie pourra en parler, ça a été de chercher donc des formes atténuées de microbes. Ce ne sera que plus tard qu'il constatera qu'on peut aussi vacciner, non pas avec un microbe vivant atténué, mais avec un microbe mort. C'est à ce moment-là qu'il a parlé de substances vaccinales. Ça va être très important pour la création ensuite de la science de l'immunologie, mais on y viendra peut-être après. On va y venir. Alors reprenons la première maladie à laquelle il s'attaque, c'est le charbon du mouton. Oui, alors pour atténuer, effectivement, il a cherché des méthodes pour atténuer la virulence des microbes. Et la première idée qui lui est venue à l'esprit, c'était l'air. Puisqu'il y avait des bactéries qui étaient anaérobies, c'est-à-dire qui ne se développent que s'il n'y a pas d'oxygène, il y avait une façon probable d'atténuer la virulence des microbes en les exposant tout simplement à l'oxygène, à l'air. Et puis, il y avait d'autres méthodes qui déjà circulaient, dont l'idée s'était déjà présentée à d'autres, à savoir de les chauffer, ou même de faire intervenir des molécules comme le bichromate qui interviendra pour le charbon. Donc de les exposer à l'action d'antiseptiques connus pour leur action nocive vis-à-vis des microbes. Donc il y a là une démarche empirique qui consiste à rechercher le meilleur moyen d'atténuer la virulence et peut-être éventuellement de le tuer. Et c'est vraiment une question qui va l'obséder dans toute cette partie-là, c'est de comprendre comment ces microbes qui peuvent être délétères ou mortels pour l'homme, comment est-ce qu'ils arrivent d'un seul coup, au contraire, à différents degrés, et ils procèdent de manière très expérimentale par atténuation successive, par exposition successive, d'abord chez l'animal, puis chez l'homme, comment ces microbes peuvent au contraire devenir des protections, Maxime Schwartz. Je ne sais pas si le comment est exact, parce qu'il n'a jamais su ce que c'était que l'atténuation. Mais enfin, il a cherché à trouver des moyens pour atténuer ces microbes. Bon, il y est arrivé en partie accidentellement dans le cas d'une maladie des poules, qui s'appelait le choléra des poules, qui n'a rien à voir avec le choléra. Ensuite, il y est arrivé avec cette maladie de charbon, qui attaquait de très nombreux troupeaux de moutons et de vaches. Donc dans les deux cas, il est parvenu avec, effectivement, en combinant l'oxygène, l'air en fait, et les chauffages à obtenir des variétés atténuées de ces microbes qui lui ont permis de vacciner. Mais de protéger ensuite contre le microbe virulent. Mais il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et à titre indicatif, dans le cas du charbon, il a fallu 100 ans pour comprendre ce que c'était. Qu'est-ce que c'était que la variété atténuée du microbe du charbon. Donc il a eu beaucoup de chance parce qu'il est arrivé à obtenir cette atténuation alors qu'il ne contrôlait pas du tout ce qui se passait. Et puis il y a un autre cas qui est un cas plus problématique et qui va rester pour la postérité, c'est celui de la rage, Maxime Schwartz. Pasteur, alors que la rage n'est pas une maladie si courante, elle existe en France, mais ce n'est pas une maladie particulièrement courante ou en tout cas épidémique. Et Pasteur s'accroche à la rage parce que face à la rage, il y a une différence de taille que l'on connaît aujourd'hui, mais que Pasteur ne distingue pas à l'époque, c'est que la rage, il s'agit d'un virus. Oui, d'abord, il s'intéresse à la rage parce que, même si elle n'est pas très fréquente, les gens, c'est une maladie qui terrorisait les gens, d'après les façons dont les gens mouraient, etc. Il était déjà arrivé à convaincre beaucoup de gens de ses théories d'atténuation avec la vaccination contre le charbon, mais il y avait encore beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, et notamment les médecins. Donc, il s'est rendu compte qu'il fallait vraiment s'attaquer à une maladie qui attaque non seulement l'animal, mais aussi l'homme. Oui, c'est une maladie terrible. On dit que Pasteur a été frappé parce que dans l'enfance, il avait vu un homme enragé. Mais pour nos contemporains, il faut rappeler que c'est une maladie terrible et qu'elle est inéluctablement mortelle quand le diagnostic est fait trop tard. Aujourd'hui, j'ai encore entendu, il n'y a pas si longtemps que ça en Tunisie, des récits de morts, de rage. Et souvent, le début passe inaperçu et on s'en rend compte quand la personne commence à présenter ce qu'on appelait l'hydrophobie, c'est-à-dire qu'en présence d'un liquide, elle a un spasme qui l'empêche de boire. Donc c'est une mort terrible. Et on comprend que Pasteur est perçu à la fois à la faveur de ce souvenir de son enfance, mais aussi parce qu'il savait que trouver un remède contre cette maladie, un remède en fait préventif, et préventif pourquoi ? Parce que là, c'est les particularités de la rage qui gênent un peu quand on explique le principe du vaccin. C'est qu'en fait, c'est un vaccin qui intervient après morsure, donc après le début de l'infection. Et en fait, Pasteur a joué sur le délai qu'il y a, le virus chemine, évidemment, il ne le sait pas comme ça, mais la maladie est lente quand elle donne le temps d'intercepter la maladie en interposant le vaccin pendant la durée de latence du virus. C'est un virus thérapeutique et puis un virus prophylactique. Oui. Non, vaccin, vous voulez dire. Ah bah pardon, excusez-moi. c'est pas vraiment thérapeutique, non. Pour reprendre ce que vient de dire Anne-Marie, simplement, ce qui est exact, c'est que on sait maintenant que le virus se promène dans les nerfs, va jusqu'au cerveau, et il y faut très longtemps, surtout si on est mordu à la jambe, avant que le virus arrive jusqu'au cerveau, il se passe pas mal de temps, donc Pasteur savait pas exactement ce qui se passait, mais il savait qu'il y avait beaucoup de temps entre les deux, et donc il s'est dit, on va peut-être arriver à vacciner, à protéger, avant que le microbe n'ait posé de problème. Mais alors, la question que vous posiez avant, qui est très juste, c'est qu'est-ce que c'était que ce microbe de la rage ? Et là, ça a été une très très grosse difficulté pour Pasteur, parce qu'antérieurement, il avait travaillé avec des microbes pathogènes qu'il pouvait voir au microscope et qu'il pouvait cultiver dans un milieu de culture. Et quand il commence à s'intéresser à la rage, eh bien, il voit que il y a pas de microbe qui puisse voir responsable de la rage, et il peut pas le cultiver dans un milieu de culture. Et c'est parce qu'en fait, c'est un virus et pas une bactérie, et on sait que les virus, d'abord, sont trop petits pour être vus au microscope optique, il faut un microscope électronique, et ils ont été découverts 50 ans plus tard, et d'autre part, pour se développer, un virus se développe à l'intérieur d'une cellule et pas dans un milieu de culture. Alors, devant ce problème, Pasteur a quand même trouvé une solution, il a cultivé, entre guillemets, son virus sur l'animal. C'est-à-dire qu'il a... Alors, comme animal, il a pu utiliser le lapin, parce qu'un autre chercheur, qui s'appelait Galtier, avait montré qu'on pouvait donner la rage au lapin. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transmis la rage à un premier lapin. Mmh. Et quand le premier lapin mourait, il transmettait un deuxième, etc. Et au bout d'un certain temps, il a obtenu ce qu'il appelait un virus fixe. C'était d'ailleurs un virus qui mettait seulement une semaine à donner la rage au lapin et qui durait toujours exactement la même durée. Et donc, sa culture de virus, c'était en fait la moelle épinière de lapins enragés. Et ça a permis par la suite d'exporter la méthode de Pasteur un peu partout dans le monde, parce que puisque Maxime Schwartz vient d'expliquer qu'on ne pouvait pas cultiver en bouillon ou en milieu artificiel comme les bactéries, il fallait donc cultiver le virus sur milieu vivant. Et c'est ainsi que, par exemple, au Mexique, le médecin du président du Mexique est parti avec lui des cages de lapins qu'il a inoculées sur le bateau jusqu'à Veracruz pour démarrer la méthode pasteurienne au Mexique. C'était une méthode extraordinairement efficace, à condition évidemment que la sécurité du bateau autorise à porter des lapins inoculés. On n'était pas si sévère qu'aujourd'hui. Oui, parce que l'histoire de la rage raconte aussi, vous allez me dire si c'est vrai ou faux, Maxime Schwartz, que eh bien justement face à ces difficultés, Pasteur est un peu gêné aux entournures et il va sauter le pas pour le test sur l'homme alors qu'il n'est tout de même pas très sûr encore de sa méthode et du potentiel succès de sa méthode de vaccination sur l'homme. Il faut revenir sur la méthode qu'il va utiliser pour l'atténuation, parce que là, il a pu cultiver son microbe sur les moelles. Ensuite, il faut pouvoir atténuer. Mmh. Et pour atténuer, eh ben, il va faire quelque chose qui est l'équivalent de laisser vieillir ses cultures, disons. Il va prendre ses moelles épinières et il va les laisser sécher dans un flacon adéquat. Il va les déshydrater. Et au bout de 15 jours, effectivement, quand on inocule cette moelle à des lapins, ça ne donne plus la rage. Donc, il pense, dans un premier temps, qu'il a obtenu une variété atténuée du virus. En fait, et ça va justement un point très important que j'ai déjà mentionné, c'est qu'en fait, il n'a pas atténué du virus, il a tué le virus. Mais il montre, et il conclut cela, qu'en fait, ça doit être une substance vaccinale, probablement du microbe mort, qui va provoquer la vaccination. Alors c'est vrai qu'il a fait plusieurs expériences avec des chiens, ça se sait, et il se trouve qu'en Alsace, il y a eu un jeune enfant, Joseph Meister, qui se fait mordre plusieurs fois par un chien très vraisemblablement enragé, et sa mère amène l'enfant à Pasteur, le supplie de le vacciner. Pasteur hésite beaucoup parce qu'en fait, eh bien, ses résultats sur les chiens, c'est pas tout à fait terminé, mais il est quand même convaincu. Mais son collègue Roux, qui est médecin, lui, dit non, c'est trop tôt, on peut pas vraiment. Bon, finalement, Pasteur consulte deux autres collègues médecins qui disent si, il faut y aller, et il va faire l'expérience, entre guillemets, avec Joseph Meister, dans des conditions qui seraient considérées comme totalement non éthiques aujourd'hui, parce qu'il ne se contente pas de lui injecter de la moelle qui a traîné pendant 15 jours, mais il inocule chaque jour une moelle un petit peu moins atténuée, donc il restait 14 jours, puis 13 jours, puis 12 jours, et la dernière, elle n'est pas atténuée du tout. Donc, en fait, il donnerait la rage à Joseph Meister s'il ne l'avait pas attrapé autrement. Et ça, bah, ça c'est assez surprenant aujourd'hui, mais bon, ça a marché. Là, c'est ce succès du vaccin contre la rage, puisque ça a effectivement marché, qui va convaincre l'Académie des sciences de lancer une souscription collective pour permettre la construction de l'Institut Pasteur. C'est ce succès qui va devenir un succès médical, mais aussi un succès industriel, peut-être le premier succès de laboratoire pharmaceutique, en quelque sorte, Anne-Marie Moulin, de l'histoire de la médecine, pourrait-on dire, en extrapolant un peu ? Avant de parler de laboratoire pharmaceutique, il faut parler surtout de l'extraordinaire publicité qui a pu être donnée au geste de Pasteur, sauver de la rage un enfant et un enfant alsacien. Ce qui explique l'extraordinaire unanimité qu'il y a eu pour construire l'Institut Pasteur. En particulier, la presse s'est associée au geste de la gauche à la droite, ce qui est quand même assez rare. Et l'État, qui est intervenu tout de suite, a été suivi et accompagné par un élan populaire avec une formidable souscription. Ce qui fait que l'Institut Pasteur repose au départ sur au moins deux composantes, une aide de l'État incontestable, mais aussi le geste des citoyens, et aussi un mécénat de plusieurs grands de ce monde, y compris des princes et des puissants qui sont intervenus en donnant de l'argent. Donc ce financement tripartite a été absolument décisif dans l'organisation et même peut-être plus tard, la pensée de l'Institut Pasteur. Oui, il faut quand même préciser que il n'y a pas eu seulement la vaccination de Joseph Meister, qui évidemment a soulevé un enthousiasme considérable. Il faut bien voir que scientifiquement, avoir une seule expérience avec un enfant qui n'aurait peut-être pas attrapé la rage autrement, c'était quand même limité. Mais il faut voir que quand l'Académie des sciences a lancé la souscription internationale, il y avait eu 350 personnes mordues qui s'étaient vaccinées et qu'il y avait eu un seul, un seul échec. Donc c'était pas sur un seul cas, même si ça a été celui qui a été le plus médiatisé. Alors votre question, c'était cette création d'un premier laboratoire pharmaceutique, etc. Ce qu'il faut voir, et ça les gens le savent relativement peu, c'est que Pasteur a vraiment été un entrepreneur, en même temps, ça a été un peu mentionné tout à l'heure, un entrepreneur en même temps qu'un scientifique, et on peut considérer qu'il était le précurseur des créateurs de start-up d'aujourd'hui. Parce que ça n'a pas attendu l'Institut Pasteur. Il avait également créé des sociétés pour... il y avait une société des bières inaltérables qui était pour utiliser ses brevets sur la fabrication de la bière. Il y a une autre société qui était sur le vaccin contre le charbon. Et bon, il a émis des brevets. Il a obtenu comme ça de l'argent pour faire progresser la recherche et aussi pour lui, parce que l'image qu'on a du savant complètement désintéressé ne correspond pas à la réalité. Et c'est aussi enrichi. C'est exactement le créateur de start-up aujourd'hui qui fait progresser la science pour le bienfait de l'humanité et qui s'enrichit en parallèle. Pour conclure, il nous reste quelques minutes. On peut dire que suite à la création de cet Institut Pasteur, en fait, donc c'est le début, on l'a dit, les bases de l'immunologie. Vous l'évoquez, Anne-Marie Moulin, un vaccin qui sauve d'une mort certaine des personnes mordues par un animal enragé, puis les débuts de la sérothérapie, un sérum qui retient les enfants au seuil de la mort, une seule conviction électrice de public, celle d'un progrès médical illimité. C'est le début de l'immunologie moderne. Et on ne peut pas passer place de Fontenoy, ce que j'encourage tout le monde à faire au moment des illuminations de Noël, sans voir cette statue de Pasteur avec cet ensemble face aux Invalides. Il y a là vraiment l'expression de non seulement une reconnaissance de la nation, mais aussi un projet pour l'avenir, à savoir peut-être, grâce au vaccin, l'éradication d'un grand nombre de maladies. On peut dire maintenant, avec un regard rétrospectif, que Pasteur fait vraiment basculer la médecine dans la modernité, dans la contemporanéité. Il va être en contact avec un zoologiste russe, hein, Eli Metchnikov, qui prend la direction du service de microbie morphologique à l'Institut Pasteur et qui va être le premier à mettre en valeur, en lumière, la capacité des globules blancs à phagocyter les bactéries. Oui, c'est vraiment son travail sur les vaccins qui a ouvert la voie à l'immunologie qui vise à comprendre comment est-ce qu'on arrive à s'immuniser contre les maladies. Alors l'immunologie maintenant est une science qui a des ramifications dans beaucoup de domaines, aussi dans le cancer, parce que si on se défend contre des tumeurs, c'est grâce à son système immunitaire, ça intervient dans des maladies neurodégénératives, la sclérose en plaques par exemple, etc. Donc c'est tout ce grand domaine de la science, de l'immunologie, est issu des travaux de Pasteur sur le vaccin. Et même avant d'arriver au vaccin, on peut dire que ce sont les travaux de Pasteur et de son grand concurrent allemand Robert Koch qui, en démontrant le rôle de microbes dans des maladies contagieuses, a en fait commencé à faire en sorte que les gens n'ont plus décrit les maladies uniquement par leurs symptômes, mais par leurs causes. Parce que dans le cas de ces maladies contagieuses, il y avait une cause claire, c'était le microbe. Merci infiniment Maxime Schwartz, Anne-Marie Moulin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez en savoir plus pour Pasteur, vous avez plein d'opportunités de le faire. Évidemment, l'exposition Pasteur l'expérimentateur qui débute mardi prochain au Palais de la Découverte à Paris et qui dure jusqu'en août 2018. Donc vous avez absolument tout le temps qu'il faut pour aller la voir. Une exposition qui est ouverte, je crois, qui est disponible pour les enfants à partir du CM1. Donc vous pouvez emmener vos petits pour comprendre l'origine des maladies, des microbes. Il y a aussi le catalogue de l'exposition Louis Pasteur, le visionnaire, que vous avez co-dirigé, Maxime Schwartz, avec Annick Perrault, et qui est publié, un excellent catalogue aux éditions de La Martinière, auquel vous avez contribué, Anne-Marie Moulin. Et puis, la semaine prochaine, sur France Culture, toute la semaine, la série documentaire sera précisément consacrée à Louis Pasteur en 4 épisodes de lundi à jeudi. C'est une série signée Olivier Chomel et Rafik Zénine. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Inès De Bruyne à la technique, Elisabeth Gornès-Coteau au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant. C'est le dernier épisode de la série documentaire de la semaine, Quand l'art se met au service du pouvoir. Et puis tout à l'heure, après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, dans le Grain à Moudre, Hervé Gardette parlera avec ses invités du nudge, une technique de persuasion sous influence. Pour ce qui nous concerne, demain, c'est un vendredi, table ronde d'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question, entre autres, des plantes. Sont-elles intelligentes? La confirmation du principe d'équivalence et donc de la relativité générale en microgravité. Et en bonus, un condensé de matériaux exotiques et de topologie en physique. Ne ratez pas cela, ce sera demain à partir de 16h, si, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr.